d'autant. Oui, hein? Des fois, vous vous préparez longtemps d'avance, avec une liste de choses à ne pas oublier. Hein? Nous, on est habitués, ma femme et moi, d'aller en vacances, des fois en camping, mais il y a toujours une liste. Et on se prépare. Oui, c'est ma femme, elle augmente la liste des fois. Fait que ce qu'il faut faire, c'est cocher pour être sûr de rien oublier. Hein? Mais si vous saviez là qu'il y a quelqu'un qui peut tout faire ça à votre place, si il y a quelqu'un qui se proposait de préparer votre voyage, vous n'avez pas de liste à prendre, vous n'avez pas de réservation à faire, vous n'avez même pas l'installation à l'autre bout à vous occuper, là. Vous ne faites que être relax, prendre le taxi lorsqu'il arrive à la porte, embarquer dans le taxi, vous vous en allez à l'endroit qui a déjà été réservé, et puis vous entrez avec vos valises dans l'hôtel et c'est terminé. Et là, vous passez un séjour agréable. Est-ce que vous aimeriez ça? Aimeriez ça, hein? Ça dit, pas de souci, on s'en va à une place où tout est prévu. Clé en main, oui, exactement. Bien, en fait, là, dans le pèlerinage, je vais dire, d'Israël dans le désert, c'est que Dieu a vraiment tout prévu d'avance. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, depuis le début du livre des Nombres, que Dieu a amené son peuple, il l'a positionné, il lui a donné tout ce qui était nécessaire. Et on sait qu'il va donner des fonctions à des personnes en particulier, vraiment. Et le texte qu'on va regarder ce matin, c'est qu'il y a des fonctions qui ont déjà été établies, qui ont déjà été données, mais les personnes ne savent pas comment ça va se passer. Donc, c'est un peu comme votre voyage, vous ne savez pas trop comment ça va tout se préparer, sauf qu'il y a quelqu'un qui a tout prévu, il a tout planifié pour que ça se passe sans souci, je dirais. Fait que je vous invite à lire, on va regarder le livre des Nombres, le chapitre 7, mais je vais vous faire grâce qu'on ne lira pas les 89 versets. On va n'en lire que 9. C'est le suivant qui va s'occuper des 80 autres. Fait qu'on va lire ça ensemble. Lorsque Moïse eut achevé, je suis dans Nombres, chapitre 7, verset 1. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. L'autel qu'il faut prévoir ici, qu'on doit comprendre, c'est l'autel des holocaustes. Il les oignit et les sanctifia. Alors, les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande, c'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement, qu'on a vu dans les chapitres précédents. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs ou bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends 2 ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs et les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon, selon leurs fonctions. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon leurs fonctions, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehath, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur leurs épaules. On va faire, je vais vous le présenter en quatre étapes. J'ai devant moi seulement une feuille résumée, parce que j'ai complètement oublié tout le restant. Fait que j'espère que, à travers tout ça qu'on va regarder, que Dieu va venir vous toucher quand même. Donc, j'apprécie la prière de Rémi de tantôt, parce que c'est aussi mon souci. C'est que des Écritures qu'on est en train de regarder, c'est qu'il y a des principes fondamentaux que Dieu établit, qu'il met en place et qui sont valables pour tout le temps. Donc, et ces principes-là, on va les regarder. Donc, la première des choses, c'est que lorsqu'on lit le verset 1, c'est que Dieu a mis comme son représentant sur la terre, il a mis Moïse qui se trouve à être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. C'est-à-dire que Dieu communique l'information à Moïse et Moïse va exécuter ou transmettre les ordres. Ce verset-là, c'est la suite, en fait, de Exode 40. Donc, dans Exode 40, si j'y tourne juste pour vous donner l'instruction, donc, on a fait Exode il n'y a pas très longtemps, donc Exode 40, le verset 17, il nous dit que là où on se trouve actuellement pour oindre le tabernacle et le sanctifier, on est le premier jour du premier mois de la deuxième année où le temple a été dressé. Ce que ça implique, c'est que tout le début du chapitre d'Exode 40, le début du chapitre jusqu'au verset 17, ça montre toutes les étapes que Moïse a faites pour la sanctification. Ce que ça implique au départ, pour qu'on puisse dresser ce tabernacle-là, c'est que Dieu a pourvu à tous les matériaux. Donc, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, les Israélites ne sont pas partis les mains vides. Ils sont partis avec de l'or, ils sont partis avec de l'argent, ils sont partis avec des étoffes, ils sont partis avec plusieurs biens qu'ils ont été donnés gratuitement par les Égyptiens, mais dans un but précis. Dieu avait en vue non seulement d'enrichir son peuple, mais principalement la construction du tabernacle dans le désert, parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Donc, ça implique que Dieu a donné à Israël les matériaux. Ça implique qu'il a pourvu à un homme qui allait communiquer ses informations, qui est Moïse. Ça implique qu'il a donné aussi des gens qui sont doués. Vous rappelez sans doute de Betsaleel et Oholiab qui ont fabriqué les éléments selon le modèle qu'eux n'ont pas vu, mais que Moïse a vu. Mais il y avait plein de gens, des gens dont le cœur était bien disposé. Les toiles de temple, de la tente plutôt, ou même les pots qui vont être sur le dessus du lieu saint et du lieu très saint, il y a quelqu'un qui a dû les coudre, qui a dû en faire des tapis pour que ça soit solide et qu'on puisse les installer. Toutes les toiles qui sont autour aussi du temple, a fallu que quelqu'un les fasse. Les rideaux qui sont aux entrées et du lieu saint et du lieu très saint et de l'entrée du parvis, il y a quelqu'un qui a dû les coudre et faire dessus les motifs que Dieu voulait, sans qu'ils aient vu le modèle. Et c'est écrit que tout a été fait exactement selon le modèle que Dieu a donné sur la montagne. Tous ces éléments-là ont été apportés. Ils ont été déposés devant Moïse. Et là, Moïse, que lui, la responsabilité que Dieu lui a donnée, c'est qu'à partir du lieu très saint, d'installer l'Arche d'Alliance, ensuite d'installer le chandelier, d'installer la table des offrandes ou l'autel des parfums, la table des pains de proposition, faire installer les rideaux, les colonnes, les toiles par-dessus, les fixer, s'en aller vers le parvis, qui est en avant du lieu saint, d'installer la cuve des reins, d'installer l'autel des holocaustes, de faire installer tout ce qui va autour, tout le matériel, a fallu que lui le fasse faire. On doit réfléchir à la sagesse de Dieu dans toute la fabrication du tabernacle. Parce que comme on l'a vu déjà dans Exode, lorsqu'on l'a étudié, c'est que les éléments représentent la gloire de Dieu et vont être significatifs pour lorsque Jésus va venir. Lorsque Jésus va venir, on l'a chanté tantôt, dans le lieu saint, j'entre Seigneur, parce que le voile est déchiré. Bien, ce chant-là, ce qu'il nous dit, c'est que le temple qui était construit dans le désert, c'était tout un symbole, un modèle de comment Dieu allait faire pour que son peuple, qui est pécheur, comme nous l'a dit Samuel tantôt, qu'il avait la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on sait qu'il devait y avoir des sacrifices. On sait qu'il devait y avoir des sacrifices sanglants. Et on sait qu'une fois par année, le souverain sacrificateur devait partir de l'autel des holocaustes, s'en aller jusque dans le lieu très saint et offrir le sang de l'animal sur l'autel, sur l'arche d'alliance. Et ça, ce que ça veut dire en même temps, c'est que dans le Nouveau Testament, si je fais le rapprochement dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu a pourvu aussi à un homme qui est l'intermédiaire ou le médiateur entre lui et les hommes, qui va non seulement transmettre les informations à son peuple, transmettre les paroles de Dieu à son peuple, mais qui va surtout exercer le sacerdoce d'Aaron, mais une fois pour toutes. C'est terminé. Hébreux 3:5, il dit que Moïse a été un serviteur fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc, l'exemple que Moïse nous donne pour l'Ancien Testament, c'est que Dieu l'a choisi, il connaissait Moïse. Il savait quel genre de personne c'était. Alors, je vous lis Hébreux 3:5, juste pour qu'on se rappelle. C'est « Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. » Mais, verset 6, « Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. » Donc, il est serviteur de l'Éternel sur la maison de Dieu qui est nous, pourvu que nous nous retenions jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Le lien qui se fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le lien qui se fait entre les deux, c'est Jésus. C'est lui qui est non seulement l'homme que Dieu a choisi, celui qui prenait qui était un type qui devait venir plutôt. Et lui, il est vraiment le Fils de Dieu, la victime expiatoire pour le péché de l'humanité. Et Jésus a été fidèle en tout point, et il a fait l'expiation des péchés. Hébreux chapitre 2, versets 17-18, que je vais vous lire. Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, Jésus a fait l'expiation des péchés, lui. Donc, la victime qui devait apporter le sang en présence de Dieu dans le ciel, c'est Jésus. Il est non seulement le souverain sacrificateur qui porte le sang, mais le sang, c'est le sien, qu'il apporte pour nous. Et ça, ce que ça nous procure à nous, c'est que ça nous procure le pardon de toutes nos fautes. C'est que nous sommes agréés. Plus que ça, le ministère qu'avait Moïse, c'est que non seulement d'installer le tabernacle, mais il devait aussi le sanctifier, c'est-à-dire le oindre. Et ça, Jésus, lorsqu'il meurt sur la croix, c'est pour nous, c'est qu'il vient, il fait de nous des saints et des bien-aimés de l'Éternel. Fait que Jésus a aussi le ministère de sauver et de sanctifier ses enfants. C'est-à-dire, lorsque nous nous présentons devant Dieu, Dieu nous voit comme des saints et des bien-aimés, sans tache, irrépréhensibles. Et là, ça devrait vraiment nous réjouir. Ça devrait nous faire voir Dieu comme étant celui qui nous aime le plus au monde, comme celui qui a tout donné. Il a donné son Fils unique pour que chacun de nous, on puisse lui appartenir. Je vais vous lire maintenant, on va passer à Nombre 7, mais les versets 2 et 3. Alors les princes d'Israël, chefs de la maison de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars, puis là, de ce qu'on a lu tantôt. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans le texte? Ils sont combien de chefs? Douze. OK? Pourquoi l'offrande est singulier? Pourquoi le mot « offrande » est au singulier? Parce que ce qui les motive, c'est ce que Dieu met dans leur cœur. Et ce que Dieu met dans leur cœur, c'est qu'il donne de l'unité. Donc, Dieu va pourvoir, Dieu pourvoit à ce que les gens qui vont venir devant lui, ils vont être un dans leur service. C'est ça que Dieu fait. Et comment il le fait? C'est qu'ils vont offrir en même temps, la même journée, leur offrande. Et leur offrande, ça comprend 6 chars et ça comprend 12 bœufs. OK. Jean-Claude nous avait présenté un acétate qui présentait la position des tribus. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, si on part de l'Orient, qui est la porte d'entrée principale du temple, il y avait 3 tribus, dont Juda était le chef. Si on s'en va du côté du midi, du sud, il y avait Ruben avec 3 chefs. Si on s'en va du côté de l'Occident, il y avait Éphraïm avec 3 chefs. Avec 2 autres chefs, plutôt. Et si on va du côté du nord, il y avait Dan, je pense, avec deux autres tribus. Mais réfléchissons 2 minutes. Si Dieu demande qu'il y ait une litière ou une plateforme pour transporter des objets et qu'il les amène pour 2 chefs, ça veut dire que quelque part, entre les chefs, ils doivent se parler. Pourquoi? Ici, il y en a 3, et là, il y en a 3. Il y en a 2 d'ici qui vont devoir apporter une litière, mais il y en a un de ce groupe-là qui doit aller parler là, à l'autre groupe. Ou ils doivent s'entendre ensemble, vous me suivez ou pas? Ça va-tu? C'est pas clair. 3 tribus ici, 3 tribus là. Mais Dieu leur demande, 2 par 2, d'apporter une litière. Donc, sur les 3, il y en a un de trop. Et sur les 3 qu'il y a là, il y en a aussi un de trop. OK? Donc, pour qu'ils apportent une litière pour 2 chefs, le troisième d'ici et le troisième de là, ou peu importe lequel, ils doivent s'entendre entre eux pour savoir, OK, est-ce que c'est toi qui fabrique la litière ou si c'est moi? Ou bien donc, allons-nous la fabriquer ensemble? Allons-nous nous rencontrer pour fabriquer nous-mêmes la litière qui est nécessaire pour apporter les objets? Comprenez? Mais pour que ça se produise, il faut qu'il y ait l'harmonie dans tout ce monde-là, dans les chefs. Les 12 chefs, il faut qu'ils travaillent en harmonie, en unité. Il ne faut pas qu'il y ait de conflits. Donc, ensemble, ils vont s'entendre pour fabriquer un même objet qui va être présenté dans une seule offrande à l'Éternel. Ça ne vous rappelle pas un texte du Nouveau Testament? Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, donc frères est pluriel, à offrir vos corps pluriels comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, vous voyez, c'est que lorsqu'on se présente devant Dieu comme ce matin, nous sommes plusieurs et l'objectif qu'on a ensemble, nous, dans nos relations, c'est de maintenir l'unité de l'esprit. Ça, c'est notre objectif à chacun de nous. C'est ce qu'on doit faire. Mais lorsqu'on se présente ensemble ici, et surtout tantôt qu'on va prendre le repas que Dieu nous a demandé de prendre, on doit avoir l'unité entre nous. C'est l'unité qui doit vraiment caractériser et motiver nos actions. Et donc, chacun de nous, on doit s'examiner et regarder est-ce que je vis dans l'unité avec chacun de mes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des obstacles qui m'empêchent d'être un avec l'autre? Israël devait vivre ça. Donc, Dieu, ce qu'il fait, c'est que non, il va pourvoir à ce que dans le cœur de chacun des 12 chefs, il y a une entente, une unité parfaite entre eux. Et il n'y aura pas de rivalité dans le sens de, lorsqu'on va construire une litière, comme c'est marqué, qu'on ne va pas nous faire avec extravagance. Ce n'est pas nécessairement ça. C'est qu'on va le faire en travaillant ensemble. Donc, j'ai besoin des informations que tu vas me donner et je vais te donner mes informations et là, on va construire quelque chose ensemble dans le but que tantôt, lorsqu'on va se présenter tout le monde devant Dieu, on va avoir notre offrande comme Dieu la demande et elle va être comparable ou différente des autres. Mais on va être dans la parfaite unité et il n'y a pas de rivalité entre nous. On présente l'offrande telle que c'est demandé. Dans ces deux versets-là, il y a un autre point d'observation. L'autre point d'observation, c'est que il dit que les maisons, les chefs des maisons de leur père présentèrent leur offrande, c'étaient les princes qui avaient présidé le dénombrement, et ils ont présenté des chars, puis ils ont présenté les bœufs. Non seulement il y a l'unité, mais il y a la complicité. Ni plus ni moins, c'est que vous travaillez dans un ministère et quelqu'un d'autre travaille dans un autre ministère dans l'Église. Vous avez des services différents. Je prendrais, par exemple, je vais dire, mettons, le ministère des hommes, le ministère des femmes, le ministère de l'enseignement des adultes ou des enseignements de la jeunesse ou les enfants, ou le bâtiment, ou la trésorerie, ou le secrétariat, ou peu importe lequel. C'est qu'entre nous, il doit y avoir une complicité, c'est-à-dire une entente que c'est être sensible aux besoins de l'autre. Et c'est ça qui se passait ici aussi entre eux. Ils devaient être sensibles à l'autre pour savoir, OK, lequel d'entre nous, dans les trois, là, qui va aller avec la tribu de Ruben? Lequel va y aller? Mais non seulement il y a l'unité qui les motive, mais c'est qu'il y a un engagement volontaire, il y a une complicité. Je me propose, je vais y aller. Je vais aller parler avec Ruben, puis on va s'entendre avec laquelle des tribus je vais travailler. Comprenez? Donc, entre nous, les différents ministères, c'est qu'on a non seulement des fois des budgets qui nous sont alloués ou une tâche à exécuter, mais s'il y a vraiment une complicité entre nous, je vais être sensible aux besoins de l'autre. Je vais aller voir, est-ce que tu aurais besoin de mon aide dans telle chose? Même si j'ai déjà quelque chose à faire. Comprenez? Donc, la complicité fait en sorte que je suis sensible aux besoins de l'autre. Et d'aller le voir dans le sens que, minimalement, m'informer au travail qu'il est en train de faire, au service qu'il est en train de rendre, mais comment, moi, je peux venir t'aider dans ce que tu fais? Ne serait-ce que pour prier. Mais pour prier, il faut que vous connaissiez minimalement ses besoins. Vous comprenez l'idée? Donc, la complicité va plus loin que juste dire, « Regarde, on est un, on est ensemble, on est tous dans la même assemblée, la même église, on est tous ensemble. » La complicité va jusqu'à « Je vais aller voir l'autre. » Donc, il y a une action de ma part vers celui, vers mon frère ou ma sœur qui est dans un service qui est différent du mien. Comprenez? Si on avait besoin, disons, dans notre budget, de passer des fonds dans un ministère vers un autre, on devrait s'en parler. Et on devrait s'en parler tout le monde ensemble. Et l'objectif premier, c'est la gloire de Dieu. Comment dans notre service, dans notre engagement, dans notre répartition de nos biens, comment on va rendre gloire à Dieu et que, conservant l'unité et la complicité dans le service. L'unité et la complicité de façon concrète, c'est qu'elle va se manifester dans la façon dont je vais agir pour diminuer le fardeau de l'autre. Et ça, c'est les derniers versets, les versets 4 à 9 qu'on a lus tantôt. Il faut se rappeler que dans les chapitres 3 qui précèdent, Dieu a vraiment défini à travers Moïse ce que chacun des responsables des Lévites devait apporter. OK? Kehat, Gershon, Merari. Et si vous regardiez comme il faut le plan, pour Kehat, il devait apporter ce qui était dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Et ça, c'est des objets que les Lévites ne devaient pas ni voir ni toucher. Ils devaient être emballés par les sacrificateurs. Mais en même temps, c'est que le sacrificateur, lui, a un travail à faire de façon précise. Et ce qu'il doit faire, il y a une raison fondamentale. C'est que si les Lévites voient les objets qui sont saints et très saints, ou leur touchent directement, c'est qu'ils vont mourir. Donc, l'action que vient poser le sacrificateur, c'est non seulement d'obéir à Dieu dans les directives, c'est qu'il est en train de préserver la vie de l'autre, la vie de ceux qui vont devoir le transporter. Et quand on a regardé tantôt le chapitre 7, le verset 9, c'est que les Kéatites, eux, ils devaient transporter les objets sur leurs épaules. Vous vous rappelez que Dieu a mis des barres. Il a installé des barres après les objets qui sont dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Donc, eux, on doit comprendre que lorsque Dieu dit « vous ne donnerez point à Kéat selon leur fonction », parce que vous ne donnerez rien, parce qu'ils vont devoir porter les objets, les choses saintes sur leurs épaules. On doit comprendre que Dieu est en train de planifier le transportement tantôt. Dans le désert, Israël va devoir se déplacer. Et dans le chapitre 33, ville par ville, c'est mentionné. Ils vont se déplacer presque une trentaine de fois en 40 ans. Ça veut dire que tout est démonté. Si tout est démonté, Dieu est en train de planifier, il a déjà planifié, comment le transport va se faire. Donc, pour ce qui est des choses saintes et très saintes, ce n'est pas un problème, c'est les Kéatites qui s'en occupent. Mais si vous regardez le matériel des deux autres, de Gershon et de Merari, si vous regardiez ça, C'est Michel Edima qui a fait l'étude de ce sujet-là. OK? Pour ce qui est de Gershon, c'est tout ce qui est des toiles. Toutes les toiles extérieures. Toutes les toiles qui sont par-dessus le lieu saint, le lieu très saint. Le rideau qui est à l'entrée des trois portes. Eux, c'est leur responsabilité avec les cordages et les pieux qui vont avec. OK? Mais un rideau de long, là, comme ça, là, c'est 100 coudées. C'est 50 mètres de long. Donc, en réalité, ils ont quelque chose comme 250 mètres à peu près de tissu à transporter, à part les toiles et à part les portes, à part les rideaux. Donc, nécessairement, s'ils placent tout ça ensemble, disons que si on les tenait bout à bout, là, d'être à ce qu'on va se déplacer, ça va être terrible. Fait que Dieu a pourvu à ce qu'ils aient un moyen de transporter. Fait que quand on regarde et qu'on lit, tu vas leur donner deux chars et quatre bœufs selon leur fonction, on doit penser au déplacement. C'est à ça qu'on doit penser. Puisque quand il parle des Kéatites, il leur dit, bien, vous autres, vous avez des barres pour les transporter, mais pas les autres. Et ça, ça démontre à quel point Dieu a de la compassion pour ceux qui travaillent. Parce qu'on ne connaît pas les distances. Et on ne connaît pas non plus le temps qu'ils vont prendre entre les distances. Fait, Dieu pourvoit à leur donner des outils pour transporter le matériel. Et je dirais, ma compréhension du texte, plus il y a de matériel, plus le matériel est lourd, plus Dieu leur donne les moyens. OK? Merari, qu'est-ce que Merari a à transporter? Toutes les planches, toutes les barres, toutes les colonnes, toutes les bases qui sont en argent. Si je me rappelle du chiffre, là, parce que je n'ai pas mes notes devant moi, ils ont 60 colonnes à transporter. Et pour certaines choses, dans les planches, par exemple, deux bases d'airain par planche. Comprenez? Donc, eux, ils ont du matériel qui est lourd à transporter. Du matériel de valeur. Pourquoi? Parce que ce matériel-là sert à rebâtir tantôt la demeure de Dieu parmi eux dans le désert. C'est à ça que ça sert. Mais lorsqu'on regarde la description des matériaux, c'est que la description des matériaux, elle ne dit pas qu'ils sont tous pareils. Il y a des planches qui sont recouvertes d'or. Il y a des bases qui sont en argent. Il y a des bases qui sont en bronze. Et il y a des tiges qui vont retenir les planches, une seule section, là, 20 mètres de long. C'est-à-dire 10 mètres de long comme ça, là. Comprenez? Donc, tous ces matériaux-là, c'est que s'ils leur donnent plusieurs chariots ou plusieurs litières, c'est qu'eux doivent penser à rebâtir. Donc, je ne peux pas mettre les matériaux pêle-mêle, n'importe comment, sur les chariots. Comment on fait pour rebâtir? Vous voyez, c'est que la sagesse de Dieu va faire en sorte que non seulement ils ont les outils pour transporter, il va donner la sagesse pour savoir quoi mettre sur chacun des chariots. Pourquoi? Non seulement on déconstruit, mais on va devoir rebâtir. Et je dirais, on devrait être en admiration devant la grandeur de Dieu, devant ce qu'il fait pour son peuple, à l'égard de son peuple. Non seulement il prépare d'avance un homme, Moïse, pour être son médiateur, son intermédiaire pour parler au peuple. Non seulement il va faire que les chefs, les 12 chefs, ils vont travailler dans l'unité. Non seulement ils vont travailler dans la complicité, parce qu'ils vont devoir se parler l'un l'autre pour exercer le service, mais c'est que Dieu va pourvoir au matériel pour alléger la tâche de ceux qui vont transporter les matériaux. Et dans l'Église, c'est ça que Dieu fait. Entre nous, c'est exactement ce que Dieu fait. C'est que Dieu distribue des dons à chacun de nous pour exercer un ministère. Et ce ministère-là, c'est qu'on est en relation les uns avec les autres et on doit travailler dans l'unité. Comment Dieu fait pour qu'on travaille dans l'unité? Il nous donne la barre qui est dans le milieu de la planche, là. La barre en cuivre, en or, qui est dans le centre de la planche, ça représente l'Esprit-Saint qui est dans les enfants de Dieu. C'est quand chacun des enfants de Dieu, Dieu a mis son esprit. Et l'esprit qu'il a mis en nous, c'est un esprit d'unité. En fait, lorsque Dieu prévoit l'Église, il prévoit de donner son esprit à chacun de ses enfants pour exercer le ministère ensemble. Des ministères différents, mais dans l'unité. Et la complicité, comme on en parlait tantôt, c'est qu'il y a des relations fraternelles qui s'installent entre nous. Bien se connaître les uns les autres, connaître qu'est-ce que l'autre a besoin dans lequel je peux l'aider, je peux l'assister. Et là, je me rends disponible. Il dit « Offrir vos corps ». Offrir, c'est que je prends les devants. Offrir, c'est pas passif. Offrir, c'est actif. C'est aller vers. Et c'est ça que les chefs vont faire. Ils vont aller vers Moïse, leur présenter l'offrande. Dieu pourvoit absolument à tout. Pour l'Église, pour le monde, Dieu a pourvu à un médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul médiateur qui a pris littéralement la place de Moïse. Moïse était là pour un temps, alors que Jésus-Christ est là éternellement. Il est médiateur pour toujours, pour les enfants de Dieu. Il est celui qui a donné l'Esprit-Saint à son Église pour que l'unité règne entre nous. Non seulement il a enseigné ses disciples l'unité, mais il leur a dit d'attendre qu'il leur envoie le Saint-Esprit, qu'elle est venue sur eux, afin qu'elle est venue en eux pour qu'ils puissent vivre ce que Dieu leur demandait. Il a donné comme complicité entre nous des gens qui nous aiment, qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux et qui veulent vous servir, qui veulent vous aider. Donc, nous, on doit, un peu comme Dieu a donné à Moïse, il a dit à Moïse tantôt, j'ai beaucoup aimé la façon dont, en regardant le texte cette semaine, c'est que Dieu a dit à Moïse de recevoir l'offrande que les douze leur apportaient. Et des fois, on a de la misère à recevoir. Certains ont de la misère à recevoir. C'est comme si j'étais toujours destiné à donner. N'oubliez pas de donner pareil, là, mais c'est comme si j'étais toujours destiné, moi, à donner, mais pas de recevoir. Alors que Dieu, il travaille dans les deux sens. Il dit à Moïse, toi, tu vas donner les paroles, tu vas donner les plans, tu vas donner les instructions, mais tu vas recevoir en même temps l'offrande qui m'est due à moi. Tu vas la recevoir de leur part. Et dites-vous que lorsque vous recevez de l'aide de la part de quelqu'un d'autre, c'est que c'est une offrande que l'autre vient faire, il vient vous faire à vous, mais en réalité, c'est pour Dieu qu'il le fait. Et ça, c'est la bénédiction qui va retomber non seulement sur la personne qui vous fait cette offrande-là, mais ça va retomber aussi sur vous, parce que Dieu prend soin de vous. Il veut libérer, veut vous libérer du fardeau qu'il vous a confié. Je vais vous lire 1 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 12. Soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Hébreux, chapitre 13, versets 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, mais persévérez dans l'amour fraternel. Et ça, c'est tout un défi, parce qu'il va nous arriver en même temps des contretemps dans nos propres vies. Il va arriver des contretemps ou des accrochages avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il nous demande de persévérer dans l'amour fraternel, c'est qu'on doit régler nos affaires. On ne doit pas les laisser traîner. Parce que quand on les laisse traîner, que le pardon n'est pas accordé, ce qui va se développer dans notre cœur, c'est de l'amertume. Et l'amertume va produire des rejetons. Et des rejetons, ça veut dire que dans, l'image que je pourrais donner, là, c'est du chien dent. C'est pour ceux qui ont des jardins ou du gazon. Là, du chien dent, c'est que ça ressemble à du gazon, hein, à part ça, là. C'est vert, ça a des feuilles, puis les feuilles, elles lâchent comme mon petit doigt, là. Mais c'est pas comme du Kentucky, là. On ne parle pas la même affaire partout, là. Mais ça, ça a des courants dans le sol, là. Et il ne va pas y en avoir juste un ici, il va y en avoir partout. Et ça peut s'en aller à 10 pieds plus loin, là. OK? L'amertume, c'est ça que ça fait. L'amertume, c'est que ça produit des rejetons, et ce que ça vient faire, que la parole dit, c'est que ça vient infecter d'autres vies. Donc, le même, on pourrait dire, poison vient infecter la vie de quelqu'un d'autre. C'est que l'amertume, ça ne reste pas dans le cœur de quelqu'un, d'une seule personne. Ça doit être réglé. Et la façon, je dirais, simple que Dieu nous donne, pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. C'est la façon dont Dieu nous demande de régler nos conflits. On doit aller voir l'autre. Vous pouvez lui exprimer votre peine, vous pouvez lui exprimer la blessure que ça a produit chez vous, mais pardonnez. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Rappelez-vous que Dieu est avec vous, qu'il est avec nous. Rappelons-nous-en et qu'il a pourvu à tout ce qu'on a besoin pour notre voyage ici-bas. Je vais vous raconter le témoignage de cet été. Nous, on avait une fin de semaine de camping de prévu avec, avec notre fils, le plus vieux, et sa famille. Et de notre expérience passée, Lise et moi, on a fait du camping dans une tente, dormi sur un matelas à terre. Mais en raison de l'âge, c'est quand on vient pour sortir de la tente le matin, on a de l'air fou pas mal. On est obligé de rouler en bas du matelas, puis là, il faut se prendre quasiment après un poteau pour sortir de la tente, parce qu'on n'a pas le dos tout à fait en forme, et on n'a plus 20 ans. Hein. Fait que, on hésitait d'aller faire du camping avec notre fils, puis avec une tente à terre. Fait que, dans l'église, il y a un frère qui a une tente roulotte. Et il nous a dit, « Moi, je pourrais te prêter ma tente roulotte. » Et on a réfléchi, ma femme et moi, on a dit, bien, c'est une fichue de bonne idée. C'est une fichue de bonne idée pour nous faciliter la vie, avoir le confort qu'on a besoin, mais en même temps, que nos petits-enfants puissent dormir à l'intérieur à l'abri. La fin de semaine, il n'y a plus une journée. Mais ce que ça démarque, c'est que pendant notre voyage, nous, sur la terre, pendant nos expériences propres, c'est que Dieu a pourvu à un frère qui avait ce qu'on avait besoin pour notre confort. Dieu avait mis dans son cœur l'amour pour nous offrir cette tente roulotte. Et en plus, il l'a fait de façon généreuse, gratuite et propre, avec tous les services qui étaient dedans. Coutellerie, les chaudrons, les poêles, la glacière, tout le bagage. Tout est dedans. C'est un peu le résumé de ce que je vous ai présenté ce matin. C'est que dans notre pèlerinage sur la terre, dans notre voyage sur la terre, Dieu pourvoit. Et il pourvoit beaucoup à travers l'Église. Fait qu'on en profite, on en bénéficie. Mais tout ça pour que la gloire et la reconnaissance reviennent à Dieu. Parce que c'est lui qui œuvre dans nos vies. C'est lui qui a œuvré dans la vie d'Israël dans le désert pour pourvoir, pour alléger les fardeaux. Pour nous, c'est un fardeau, retourner camper avec une tente au sol. Dieu a enlevé ce fardeau-là. Il l'a remplacé par une facilité. Seigneur, merci pour tes bénédictions envers nous. Merci de penser à tout pour nous. En fait, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à s'énerver, on n'a même pas à stresser, parce que toi, tu prévois toutes choses. Tu fais toutes choses belles en son temps. Et c'est pour ça, ô Dieu, que ce matin, on veut particulièrement te rendre grâce de ce que, quand ton peuple d'Israël était dans le désert, vulnérable, tu en as seulement pourvu à l'instruire. Tu lui as donné tout ce qui était nécessaire pour sa marche. Mais le bien suprême, Dieu, c'est que tu as décidé d'habiter au milieu de ton peuple. Et tu étais tangible devant eux. Lorsqu'ils regardaient le tabernacle, le temple, lorsqu'ils le regardaient et qu'ils voyaient la colonne de nuée, ils savaient, hors de tout doute, que Dieu était avec eux. Et nous, Seigneur, par ton esprit, on sait hors de tout doute que tu es avec nous. Alors merci, Dieu, et que toute notre louange, notre adoration, notre reconnaissance te reviennent à toi seul, parce que tu en es digne. Amen.